À 14 ans, je largue les amarres pour un voyage au bout de l'envie. Je commence à chanter sur le trottoir. Si là que je touche le fond de la nuit, à votre bon cœur, mesdames, messieurs, une petite pièce pour une chanson. J'ai le sourire d'un gosse heureux. Je chante à perdre la raison. À 17 ans en plein Paris, j'ai pas d'argent, je broie du noir. Je chante jusqu'au bout de la nuit. Je couche mes rêves sur le trottoir. Un beau monsieur costard Cheyenne m'invite dans son cabaret. Ma première scène est parisienne. Premier concert, j'affiche complet. À 22 ans, j'ai de l'espoir, même si je suis un orphelin. Je me regarde dans le miroir, j'ai l'air d'un con, j'ai l'air de rien. Je chante toujours à perdre haleine, pour un public de vieux chinois. De ville en ville, de scène en scène, je dois chanter, je n'ai pas le choix. À 40 ans, j'espère encore, le public, lui, n'a pas changé. À chaque concert, une lutte à mort, je suis le chanteur des bas quartiers. 77 ans, c'est bien trop tôt, pour une retraite entre quatre murs. Je préfère chanter sous le chapiteau, pour tous les jeunes et les cœurs purs. C'est bien trop tôt pour une retraite entre quatre murs. Je préfère chanter sous le chapiteau pour tous les jeunes et les cœurs purs.